Tu n'es qu'un singe évolué. Tu as dans le cœur ta solitude. Tu n'es qu'une bête abandonnée. Tu n'existes que par habitude. Alors dis-moi si tu t'ennuies dans ton palais élyséen. Avec nos sous tu fais ta vie. Tu alimentes tes copains. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Tu n'es qu'un chat qui s'apprivoise pour les souris qui vont voter. Tu causes de guerre et tu nous toises avant de nous faire fusiller. Alors dis-moi, c'est beau la vie? Tu sais, en bas, ça sent pas bon. On mange, on boit notre RMI pendant que tu prêches dans ton salon. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. T'es le président des allumés, des bidonchons de France Dimanche, des trous du cul et de la tiercé, des haussiens en transhumance. Alors dis-moi, c'est beau l'amour, même enrobé de caoutchouc, ça rime avec topinambour. Toi tu es le boss et tu t'en fous. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Tu n'es qu'un singe évolué. Tu as dans le cœur ta solitude. Tu n'es qu'une bête abandonnée. Tu n'existes que par habitude. Alors dis-moi si tu t'ennuies dans ton palais élyséen. Avec nos sous tu fais ta vie. Tu alimentes tes copains. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président.